Maïna. Tabla MC. L'espoir fait vivre. Peine et joie, je veux pas me laisser abattre. La vie c'est sacrifice et choix, reste toujours une carte à battre. La vie est dure, les larmes coulent, faut pas baisser les bras. Moi j'essaye de rester cool tant que je serai pas recouvert d'un drap. Balance un kick et un grave pour que les frères restent braves. Fainada blast un air grave pour pas que tu baisses les bras. Relève la tête, oublie pas y'a la daronne à faire sourire. Tu sais, la vie a pas fini de te faire souffrir. Chacun ses épreuves pour un jour pouvoir vivre mieux. Le tout est de profiter, t'es pas sûr de pouvoir vivre vieux. Mes paroles c'est vrai, ressemble à un coup de moralité. Trop de mortalité, qui est le prochain que la moralité. La vie une course contre la montre afin d'effacer les regrets. Peur d'être seul et de me dire mais où sont passés les frères. Reste vrai, garde la paix, j'oublie pas que j'éteins ses vies pour ses vies. Réussir qui prouve que l'espoir fait vivre. L'espoir fait vivre, l'espoir fait vivre. J'en ai bu des litres, j'ai vidé la bouteille jusqu'à en devenir vide. C'est faux ce qui est écrit dans les livres. J'attends toujours que ma destinée prête pour si. Final dealer, garde espoir, toujours le sourire comme l'âme. S'essayer de trouver le bonheur avant que celui-ci clame. Le vague à l'âme ne doit pas empiéter sur la motive. Sers-toi du sourire des tiens comme d'une locomotive. Je vois un commentaire, dès que s'estompe la lueur de ma lanterne. Du 7, c'est un enterre. Je rappe tellement que j'ai des sueurs dentaires. Mais l'espoir est là, sinon j'aurais même pas fait ce texte. Je fais passer des messages pendant que les enfants festaient. Si tu déprimes, n'oublie pas que le suicide est un crime. J'ai plein de rimes positives, crois pas que je t'incrimine. Même les criminels, n'oubliez pas de vous repentir. La route est longue et c'est à vous de vous en sortir. Par moments on broie du noir, mais y'a toujours de l'espoir. La soif de réussir, embellir à notre histoire. Pour vivre, il faut survivre avant que la mort nous délivre. Je te balance des lignes de vie car l'espoir nous fait vivre. L'espoir fait vivre, j'en ai bu des litres. J'ai vidé la bouteille jusqu'à en devenir vide. C'est faux ce qui est écrit. J'attends toujours que ma destinée me prenne pour cible. Si je devais écrire une lettre à la vie, celle-ci serait pleine de rage et de mépris. Le temps se fait battre, mais en vérité la vie reste aussi banale. Mon esprit toujours que ma destinée.